mon bête, that's my name. I keep pensé, c'est à qui la sème. Wawaridi, inapopidi, naliende shajiji, aime wa pain. Ukini niliki, macho hutope pesa.